إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui alhamdulillah on commence le cours, c'est le cours numéro 43 et on est dans le chapitre 13, الباب الثالث عشر. Et le titre de ce chapitre, c'est « Babun min al-shirk al-isti'azatu bi-ghayrillah ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait partie du shirk? C'est de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on commence à expliquer, inshallah, le hadith qui est rapporté selon Khawla, bint Hakim, bint Hukim, qalat, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره أو لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. C'est un hadith donc qui est rapporté selon Khawla qui dit qu'elle a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire que celui qui s'arrête ou il campe quelque part quand il est en voyage, qu'il dise « A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq » Je cherche le refuge en les paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ce qu'il a créé. Et s'il dit ça, rien ne va le nuire ou lui nuire, jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit-là où il s'est arrêté. Donc le cheikh il explique ce hadith, cheikh al-Fawzan, il dit فقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله المراد بها كلامه سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالقرآن مشروعة لأن القرآن كلام الله فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام وليست استعاذة بمخلوق واستدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق وهي الشرك كما دل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل وترك الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, je cherche le refuge en les paroles d'Allah qui sont parfaites contre le mal de ce qu'il a créé. Et kalimatullah, les paroles d'Allah, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est, on veut dire les paroles que Allah a révélées sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et de chercher le refuge en le Coran, c'est permis dans l'islam, selon la charia, parce que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chercher le refuge en le Coran, c'est comme chercher le refuge en une attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'attribut de la parole par exemple, et donc dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de chercher le refuge en une créature, d'accord, parce que les attributs d'Allah sont pas créés. واستدل أهل السنة, les gens de أهل السنة والجماعة, ils se sont basés sur ce hadith-là par exemple, pas seulement sur ce hadith, mais sur une de leurs preuves, c'est ce hadith, pour prouver que le Coran n'est pas créé. Parce que c'est pas permis de chercher le refuge en quelque chose qui est créé. Et si le Coran était créé, comme le prétend les Jahmiyyah, la secte des Jahmiyyah et la secte des Mu'tazila, qui disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est créée, Donc si le Coran était créé, eh ben ça serait donc une forme de demande de refuge ou de rechercher le refuge en une créature, et ça c'est shirk. Donc ça prouve que le Coran n'est pas créé. Et ce hadith-là prouve également qu'il est permis de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prouve également qu'on doit abandonner le fait de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est sur ce point-là. Ensuite il dit « وَقَوْلُهُ أَتَّمَّاتِ اي الصَّادِقَاتِ الْعَادِلَاتِ التي لا يتطرق إليها نقص لأن كلام الله كامل لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة وكلامه كامل لا يتطرق إليه النقص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فكلمات الله تامة لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولذلك كان القرآن الكريم كاملا ولا يتطرق إليه نقص وافيا بحوائج الناس والحكم فيها بينهم وإزالة الشكوك والشر والكفر والإلحاد وبيان الأحكام والعدل بين الناس كل هذا في القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على خلقه. Donc le cheikh il explique que l'expression ou la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce dua, kalimat, a'udhu bi kalimatillah at-tammat, at-tammat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les paroles qui sont véridiques et qui sont justes, ok? C'est ça ce que ça signifie at-tammat. Et ça veut dire des paroles qui n'ont aucun défaut, aucune erreur dedans, aucune imperfection, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole elle est parfaite, de même que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, donc c'est normal que tous ses attributs soient parfaits également, hein, et donc sa parole elle est parfaite, et il n'y a aucune faiblesse ou imperfection dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 42 dans sourate Fussilat, il n'y a aucune fausseté ou aucun batil, rien de batil qui peut l'approcher, ni par devant ni par derrière. Et c'est une révélation d'un sage digne de louange, Hakim al-Hamid. Et il cite ensuite le verset dans Surat al-An'am, le verset 115. Ça je vais lire dans la traduction. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Ça dit, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité, hein, justice. Nul ne peut modifier ses paroles et il est l'audient et l'omniscient. Ça c'est la traduction qui est donnée dans la traduction. فكلماتullah, donc les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont justes et elles sont parfaites. Et il n'y a aucune faiblesse ou imperfection qui peut l'atteindre d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut l'atteindre de fausseté ou d'imperfection. Et c'est pour ça que le Coran est parfait. Il n'y a aucune imperfection dedans. Et il vient remplir tous les besoins que les hommes peuvent avoir. Hein. Et il vient juger également entre eux et éliminer les doutes et le mal et la mécréance, le kufr et l'ilhad. Hein, le rejet de la foi et toutes ces choses-là sont établies par le Coran, c'est-à-dire le rejet de la foi, tout ce qui implique un rejet de la foi a été rejeté par le Coran, et tout ce qui peut amener des doutes ou des déviations dans la foi a été rejeté par le Coran et réfuté par le Coran. Wa bayan al-ahkam, les règles également ont été clarifiées aussi, et la justice entre les hommes, tout ça, ça a été établi par le Coran et clarifié dans le Coran. Donc tout ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le mérite qu'a la parole d'Allah par rapport à la parole des autres parmi ses créatures, c'est comme la parole d'Allah, c'est comme Allah le mérite, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa création, c'est-à-dire sa parole elle est incomparable à la parole de quiconque en dehors de lui, parce que c'est sa parole à lui, et donc elle est parfaite et incomparable. فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة، فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر مشركا بالله، كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمرضة الجن ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وتلاصمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف، هذا كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله. Donc le cheikh il explique, il dit que donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça, c'est que le Coran et la Sunna ont prouvé que de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et étant donné que c'est une adoration, donc ça veut dire que si on cherche le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça devient une forme de shirk. Et on a expliqué la dernière fois que quand on cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala d'un être qui est mort, ou on cherche le refuge d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple d'une personne qui est morte ou absente, c'est-à-dire elle n'est pas présente, ça c'est shirk akbar. Ou on cherche aussi le refuge d'une personne vivante, on cherche le refuge en une personne qui est vivante dans quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, hein, comme par exemple protéger de l'enfer ou des choses de ce genre. Ça, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça, on n'a pas le droit de se réfugier en une créature pour ces choses, ce genre de choses-là. Et le cheikh il dit que celui qui fait donc une forme de shirk comme ça, et donc ça c'est ça le fait sortir de la religion. Comme par exemple celui qui cherche le refuge en un djinn. Il y a beaucoup de gens parfois ils demandent le refuge en un djinn, ou ils cherchent le refuge en les shayatin pour se protéger de quelque chose. Et ça, celui qui fait ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme de kufr majeur qui fait sortir quelqu'un de l'islam, et que c'est un mushrik. Celui qui fait ça, il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, ils écrivent, comme le cheikh il dit, ils écrivent dans des, qu'est-ce qu'ils appellent, al-hujub, ou bien al-talasim, hein, des talismans, et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, ils vont voir un cheikh. Il l'appelle cheikh, en fait c'est un sorcier, hein, il l'appelle cheikh, et qu'est-ce qu'il fait, il écrit des choses, et il le met dans une poche de cuir, et il le ferme avec du fil, alaykoum salam wa rahmatullah, et la personne l'accroche sur lui, hein, quelque part, soit dans son bras, dans son cou, ou quelque part à la taille, et il porte ça. Et souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils écrivent le nom des shayatin, ou le nom des djinns. Ok, et c'est de la sorcellerie qu'elle atteint. Et parfois, ils font croire aux gens que c'est le nom des anges, alors que c'est pas le nom des anges. La même chose aussi, de chercher le refuge en un ange aussi, c'est shirk akbar, hein, parce que on n'a pas le droit de les invoquer puisqu'ils sont, on les voit pas, et que c'est pas permis de chercher refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit. Donc ils écrivent des trucs comme ça dans les talismans, puis dans les qu'est-ce qu'on a mentionné, les hujub, et ils cherchent le refuge des shayatin, hein, ils cherchent le refuge en les shayatin et en les djinn, et ils écrivent leur nom, et ils cherchent le refuge d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Donc celui qui cherche le refuge en les djinn, bon, ça c'est une forme de shirk. Il dit aussi ومن هذا أيضا من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول يا جن خذوه افعلوا به كذا وكذا، هذا شرك بالله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان يقصد الاستعانة بهم، وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض، Le cheikh il dit également, ça fait partie de qu'est-ce qui est inclus dans ça, c'est qu'est-ce que certaines personnes font des fois quand ils se disputent avec quelqu'un, ils appellent les djinns. Oh djinn, venez, prenez-le, hein, ou bien faites-lui ça ou ça, comme s'ils appellent les djinns pour lui venir en aide. Ça aussi, ça fait partie du shirk al-akbar. Et s'ils font ça dans le but de chercher leur aide, dans ce cas-là, oui, ça fait partie du shirk akbar. Il dit de même que les gens qui essaient de guérir les personnes qui sont malades en demandant l'aide aux djinns pour faire ça, ça aussi, ça fait partie du shirk akbar. Ou bien, par exemple, qui demande aux djinns de trouver ou d'indiquer la personne qui a fait la sorcellerie contre cette personne-là qui est malade. Ça aussi, c'est une forme de shirk. Et ça, c'est souvent ça ce qui se passe quand les gens vont voir ces sorciers-là, ou bien c'est ceux qu'ils appellent les marabouts, ou bien les chouurs, ou les autres, comment ils les appellent, eh bien, ils vont leur demander, par exemple, le remède. Mais eux, c'est des gens qui communiquent avec les djinns, et donc ils demandent aux djinns c'est quoi le remède pour cette personne, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut lui donner, des trucs de ce genre. Et donc ça fait partie du shirk aussi. وفي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء في تفسير هذه الآية استمتاع الإنس بالجن أنهم يستعيذون بهم أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون ويطلبون منهم ما يريدون فالجن تخدمهم وتحضر لهم الغائب والبعيد وتقضي بعض حوائجهم لأن هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس فهم يستعيذون بالجن ويستمتعون بالجن بمعنى أن الإنس يستخدم الجن في بعض أمورهم وهذا استمتاع الإنس بالجن. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le verset qu'on avait mentionné, en ce qui concerne le verset qu'on avait mentionné et le jour où on va les réunir aux assemblées de djinns, vous avez trop abusé des hommes et leurs alliés parmi les êtres humains vont dire, ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, certes nous avons profité. Les êtres humains, les alliés des djinns parmi les êtres humains, ils vont dire, nous avons profité les uns des autres. Ok? C'était comme une sorte de comment on dit, tabadul masalih. Ils ont fait comme tu dis, donnant. C'est ça. Vous avez profité, eux ils ont profité des humains, et nous, les humains, on a profité d'eux aussi. C'est comme si ils se renvoient la balle. Donc, c'est ça ce qui se passe. Et donc, les ulama, les cheikhs et les ulama ont expliqué ce verset-là en disant que lorsque les hommes disent qu'ils ont profité des djinns, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils avaient quelque chose qu'ils n'aimaient pas, ils demandaient le refuge en les djinns. Ils demandaient le refuge et la protection des djinns contre ceux qu'ils n'aimaient pas. Et ils demandaient aux djinns de leur amener ce qu'ils voulaient. Et donc, les djinns étaient à leur service. Les djinns étaient à leur service. Et ils leur ramenaient des choses qui étaient absentes ou qui étaient loin pour les aider. Et ils leur remplissaient leurs besoins. Quand ils avaient des besoins, ils leur rendaient ces services-là. Et il y a des choses que l'être humain n'est pas capable de faire. Et donc, ils demandaient l'aide aux djinns pour les accomplir, ces choses-là. Et donc, ils profitaient de cette façon-là des djinns. Et donc, ils utilisaient les djinns dans certaines de leurs affaires. Et ça fait partie de ce qu'on appelle istimta' al-ins bil jinn, c'est-à-dire c'est ça ce qu'on veut dire lorsqu'on lit dans le verset que les êtres humains ont profité des djinns. Et aussi le cheikh il dit ensuite istimta' al-jinn bil ins anna al-ins yakhda'un lahum wa yu'azzimunhum wa yujillunhum fa fi hadha istimta' bi ta'zimihi وصرفه هذا الإنس إلى الكفر بدل الإيمان. Donc le cheikh dit, et comment les djinns ont profité des hommes, c'est du fait qu'ils ont assujetti les hommes à eux, d'une certaine façon, parce que les hommes se sont soumis à eux d'une certaine façon, et ils les ont, disons, honorés et vénérés, et donc les djinns ont profité des hommes de cette façon-là, et ils ont profité des hommes également du fait qu'ils les ont amenés de la foi à la mécréance. Donc dans ce sens-là, il y a eu c'est-à-dire se sont profités les uns des autres. Et on voit que c'est ça souvent la relation qui existe dans les religions des mouchriquins. C'est toujours basé sur un profit. Hein. Et comme, par exemple, en Haïti, les gens, ils pratiquent beaucoup ce genre de choses-là, le vaudouisme et tout ça, c'est basé là-dessus. Ils demandent aux djinns des services. Les gens vont demander aux djinns des services. Et en échange, le djinn, il va demander des choses aux êtres humains. Et donc, ils s'échangent les affaires comme ça, toujours pour des intérêts. Ok? Et donc, c'est basé là-dessus, leur religion. Ok? Et puis donc, si quelqu'un, par exemple, parmi les hommes a une maladie ou un problème, ils vont voir, par exemple, un prêtre vaudou, puis là, ils vont lui demander, par exemple, comment on fait pour guérir telle affaire. Lui, il va demander au djinn, et le djinn va dire, bon, ok, en échange, tu dois faire ça, ou ça, ou ça. Donc, il va le faire, et après, il va lui révéler, par exemple, ok, tu dois prendre telle chose, ou telle affaire, ou telle herbe, ou tel remède, et puis tu vas l'utiliser pour le guérir. Donc, en échange, la personne va payer le prêtre vaudou pour yani ses services, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et bien entendu, c'est pas sûr, mais le djinn demande toujours que le prêtre fasse un sacrilège ou quelque chose qui a rapport avec le shirk pour un service, pour avoir un service en échange. Puis c'est la même chose qui se passe aussi dans les pays musulmans. Les gens qui font ce genre de choses-là, de sorcellerie-là, c'est la même chose. Hein, que ce soit les Gnawa ou bien les Isawiya ou les autres groupes qui utilisent ces formes de sorcellerie-là dans les pays musulmans, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Asie ou au Moyen-Orient ou ailleurs, c'est toujours les mêmes bases et les mêmes chèques. Et puis aussi, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que en Occident, les gens sont scientifiques et tout est moderne, et donc ils n'ont pas ces choses-là, eux. Alors que, en réalité, dans leur histoire, c'est rempli de sorcellerie et de magie. Et ils le pratiquent, ils pratiquent ces choses-là, mais c'est pratiqué en cachette, dans des cercles fermés. Et puis, ils ont ça depuis des siècles, ça existait chez eux, ça aussi. D'accord, mais ils font comme s'ils font semblant que ça n'existe pas vraiment, alors que ça existe vraiment chez eux, et ils y croient, et ils le pratiquent, et ils utilisent ces genres de choses-là. Non, ils utilisent ça. Ouais, même l'Église catholique ils utilisent beaucoup la magie, puis ces genres de choses-là, ils les étudient. Soi-disant, ils prétendent l'étudier pour soi-disant la combattre ou l'éliminer, alors qu'en réalité ils finissent par l'utiliser eux aussi. Et donc c'est pour ça qu'ils gagnent. Allah musta'an. Mais tout ça, on va y arriver, parce qu'il y a un chapitre sur ce sujet-là. On va parler de ça plus tard dans le livre. Inch'Allah, on va expliquer beaucoup plus en détail, Inch'Allah. Mais pour l'instant, c'est juste pour faire comprendre que, ça fait partie des sti'aza que les gens font avec les djinns, et que ça c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après le shaykh dit, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِعَانَ بِالْجِنْ شِرْكٌ أَكْبَرٌ وَلَوْ سَمَّيْتَ بِغَيْرِ الشِّرْكِ وَلَوْ سَمَّيْتَ بِالْإِسْتِخْدَامِ أَوْ الزَّارِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ الْإِنْسِ أي يتوبون إلى الله، أي يتوبوا إلى الله من ممارسة هذه الأعمال مع الجن، والواجب على الجن أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائهم، لأن الكل عباد الله من عباد الله. يجب عليهم مخافة الله وخشيته والرغبة إليه وطاعة يجب عليهم طاعته وطاعة رسله وترك ما حرم الله. Le Cheikh il dit que donc ça ça prouve que de chercher le refuge et l'aide des djinns c'est une forme de shirk majeur et même si on ne l'appelle pas shirk c'est pas le nom qu'on lui donne qui change quelque chose à la réalité. Même si tu l'appelles utiliser les djinns ou visiter les djinns ou des noms de ce genre, ça reste toujours que c'est shirk. Et le Cheikh il dit que c'est obligatoire pour les êtres humains de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pratiqué ce genre d'action avec les djinns, et c'est obligatoire pour les djinns de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir égaré et dévié les hommes dans ce genre de pratique-là, parce que les hommes et les djinns, tous les deux sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est obligatoire pour eux tous, qu'ils soient des djinns ou qu'ils soient des êtres humains, c'est obligatoire pour eux de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de l'obéir et d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam et d'abandonner ce qui est haram, ce que Allah a rendu haram. Donc les djinns, ils ne doivent pas aider ces sorciers-là aussi, ils doivent craindre Allah, ils doivent faire tawbah, quand ils font ça, ils doivent faire tawbah et cesser de pratiquer ces choses-là et cesser d'aider les êtres humains qui font ça, et puis les êtres humains qui font ça, ils doivent faire tawba à Allah eux aussi, puis demander pardon et cesser de pratiquer ce genre de magie-là, parce que c'est quelque chose qui amène à l'enfer, et c'est une forme de kufr akbar. Le Cheikh ensuite il dit « وَقَدْ تَلَاعَبَ بَعْدُ الْأَشْرَارِ مِنَ الْإِنْسِ بِعَقَائِدِ النَّاسِ وَبِأَكْلِهِ لِأَمْوَالِهِمْ وَشَعْوَذَتِهِ عليهم ولا سيما عند البوادي والقرى البعيدة عند حضور مجالس الذكر فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل وحقيقة هذا أنه عميل للجن وأنه مشرك بالله ولا يقتصر شره على نفسه بل يضلل الناس ويفسد عقائد الناس ويأتي إليه الناس ويسألونه ويخبرهم بالمغيبات أو يأمرهم بالذبح لغير الله أو غير ذلك من أنواع الشرك. فهذه مسألة خطيرة يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله أن يبينوها للناس وأن يتجولوا في القرى وفي البوادي ويوضحوا هذا الأمر للناس لأنهم والله أمانة لأنهم والله أمانة في أعناق طلبة العلم وفي أعناق الدعاة في هذا المطلوب. Le Cheikh il dit que beaucoup de gens ils jouent, beaucoup de gens parmi les gens qui sont mauvais, parmi les gens qui font cette magie-là, ils jouent avec les êtres humains et ils jouent avec leurs croyances et leur aqida et ils mangent leur argent dans le mensonge, dans le faux avec ces genres de pratiques-là et forme de charlatanisme qu'ils pratiquent, et spécialement dans les petits villages et dans les endroits éloignés des villes, parce que c'est là qu'il y a plus d'ignorance. Donc les gens se réunissent et ils vont voir ces charlatans-là et ces magiciens, ces sorciers, et en réalité ce sont des sorciers qui travaillent, qui sont disons des serviteurs des djinns et qui travaillent pour les djinns. Et c'est des mouchriquins, c'est des gens qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le mal qu'ils font, c'est pas juste un mal qu'ils font à eux-mêmes, mais aussi un mal qu'ils font aussi aux autres êtres humains, puisqu'ils les égarent et ils corrompent leurs croyances. Et les gens viennent les voir et ils leur demandent des choses, et ils leur demandent au sujet des choses invisibles, ils leur ordonnent de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire d'autres formes de shirk de ce genre. Donc, c'est très très dangereux cette question-là. Et le Cheikh il dit que c'est obligatoire pour les tullab al-ilm, les gens qui ont étudié la science et qui étudient la science de l'islam et qui font le da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala, de clarifier ces choses-là pour les gens et de se promener et d'aller visiter les gens qui habitent dans ces villages éloignés et dans les endroits loin comme les Bédouins ou bien les gens qui habitent dans les montagnes ou qui habitent dans des endroits qui sont coupés des grandes villes, pour aller leur apprendre ces questions-là et ces choses-là, pour leur clarifier la aqida, parce que c'est leur responsabilité. C'est une responsabilité qu'ils ont sur eux en tant que tulab ilm et en tant que du'at il Allah subhanahu wa ta'ala, de clarifier ces questions-là. Et ça c'est un point important, parce que, comme une fois j'écoutais un dars du Cheikh Mohamed Aman à ce sujet-là, et il disait que beaucoup de musulmans, ils ont abandonné la da'wa pour les gens qui vivent dans les petites villes et dans les villages, et ils se concentrent juste quand ils vont dans un pays pour appeler les gens qui vivent dans les grandes villes. Et le cheikh, il expliquait que parce que parfois les gens, ils vont aller là où il y a le confort matériel et les hôtels et les trucs de ce genre, et donc ils veulent pas aller dans les petits villages, les endroits éloignés. Et le cheikh Mohamed Aman, il disait non, au contraire, il faut aller les voir ces gens-là et leur expliquer la bonne aqida et leur clarifier le bon manhaj. Et surtout si quelqu'un connaît leur langue, hein, leur façon de s'exprimer, pour leur expliquer la religion dans leur langue à eux, hein, parce que des fois ils ont leur dialecte ou ils ont leur propre langage qui est différent des fois de l'arabe classique. Donc ils vont aller les voir puis leur expliquent l'aqida dans leur langue à eux. Et les gens de Balal, eux c'est ça ce qu'ils font, hein. Par exemple, beaucoup des chouïrs soufis, ils sont partis se cacher dans les montagnes, aller habiter avec des populations qui sont éloignées, et ils commençaient à les éduquer dans toutes sortes de fausses aqida. Et c'est ça ce qui a fait que beaucoup d'entre les musulmans maintenant sont égarés à cause de ces gens-là. Donc si les musulmans qui cherchent la science vont eux aussi éduquer les musulmans et leur enseigner l'islam selon le Coran et la Sunna, et bien c'est certain que ça va avoir un bon impact sur ces gens-là. Et en particulier, comme on dit, dans les endroits éloignés, les villages et tout. Le cheikh il dit, أما أن تتكلم أمام الناس عن قضايا السياسية السياسة ونحوها هذه ما فائدة الناس منها؟ ما فائدة البدو في الصحراء أو الناس في القرية؟ ما فائدتهم من هذه الأمور؟ وهم واقعون في الشرك أو يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة وتعليم وإرشاد وتوجيه فيما ينفع الناس، وأيضا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم. أما أنك تجلب لهم مشاكل من بعيد وتريد منهم أن يعالجوا قضية أمريكا أو قضية الجزائر أو قضية السودان وهم مساكين وما بأيديهم شيء، وأيضا وهم واقعون فيما هو أخطر من ذلك وهو الجهل وفساد العقيدة، لماذا لا تعالج هذا الأمر؟ لا تعالج هذا الأمر. Le cheikh il dit, il y en a des gens, malheureusement, ils vont devant les gens et ils commencent à leur parler des questions politiques, des problèmes politiques. Il dit, qu'est-ce que les gens ont à faire avec ces affaires-là? C'est quoi le bienfait de commencer à leur parler de ça? À quoi sert de parler à des bédouins dans le désert ou à des gens qui habitent loin dans un petit village et commencer à leur parler de ces affaires-là qui ont même pas rapport avec leur vie? Alors que eux ils sont en train de faire du shirk, ou bien ils savent même pas réciter surat al-Fatiha comme il faut, alors que c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Donc c'est obligatoire pour nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire la da'wah, d'enseigner les gens, de les orienter, de les diriger vers ce qui est bon pour eux, et aussi de régler les choses dans lesquelles ou les problèmes dans lesquels ils ont à faire les problèmes auxquels ils ont à faire face là où ils sont eux. et non pas de leur amener les problèmes de très très loin hein, qui ne les concernent même pas, et de leur demander à eux de les régler. Hein. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'ils règlent des problèmes de l'Amérique ou de l'Algérie ou du Soudan alors qu'ils sont des pauvres et qu'ils n'ont rien hein. Donc, yani, alors que eux, d'un certain côté, eux-mêmes, ils ont des problèmes beaucoup plus graves que ça, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants et ils ont des fois des problèmes dans leur aqidah. Donc, pourquoi ne pas régler ces questions-là en premier hein. C'est ça le plus important. Et donc, qu'est-ce que le cheikh il dit, en fait, ça c'est réel, c'est quelque chose qu'on trouve réellement. Dernièrement, par exemple, pas dernièrement, mais en fait, il y a une conférence qui s'est organisée à Toronto, Reviving the Islamic Spirit. C'était une conférence qui est organisée par des groupes d'une tendance des Ikhwan al-Muslimin, et les speakers qu'ils ont invités, hein, beaucoup d'entre eux ont des problèmes dans leur aqida. Et des problèmes dans les questions de tawhid et les questions de fondement de l'aqidah. Donc, quand j'ai expliqué à certaines personnes de ces choses-là, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais non, moi ça me dérange pas, je vais juste pour entendre les solutions ou les réponses qu'ils vont donner aux problèmes de la famille dans l'islam et des trucs de ce genre. » Allez, subhanallah. Donc, c'est comme s'ils déplacent les priorités et les choses qui ont plus d'importance. C'est comme si, par exemple, ils pensent que, on va parler des problèmes familiaux. Qu'est-ce qui est plus grave? Celui qui a des problèmes dans sa aqida, ou qui fait du shirk, ou qui a des erreurs dans sa croyance et dans les fondements de l'islam, ou bien celui qui a des problèmes familiaux? Hein? Le shirk, ça t'amène dans l'enfer direct. Si tu meurs en pratiquant quelque chose qui a rapport avec le shirk, hein, et bien tu meurs sur ce shirk, tu risques d'être en enfer pour l'éternité, parce que c'est un péché que Allah ne pardonne pas. Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Puis après tu veux t'attarder à régler les problèmes de la famille, hein, et même parmi les invités qui vont parler là-bas, il y a même une femme qui n'est même pas musulmane qui vient pour faire une conférence pour parler de certains sujets. Et il y en a d'autres qui font partie des Rafidah. Et il y en a d'autres qui sont des Soufis, qui ont des Aqaïd, qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc, on voit que beaucoup de gens, ils vont parler de sujets de la société, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, de la Umma, hein, pour montrer que, ah, ça c'est nos vrais problèmes. C'est nos vrais problèmes à nous. Mais non, c'est pas ça nos vrais problèmes. Le vrai problème, c'est notre problème qu'on a dans l'Aqidah. Si on règle pas ça en premier, on pourra pas, même si on essaie de régler les autres, ça va rien servir. Hein. Les non-musulmans, les kuffars, ils font des conférences pour régler toutes sortes de problèmes dans la société, dans leur société, et même s'ils arrivaient à les régler, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça va les faire entrer au paradis? Hein. Et tu vois qu'en réalité, étant donné qu'ils n'ont pas été guidés dans le tawhid et dans la base de la foi, toutes les solutions qu'ils amènent, ça amène toujours à l'échec. Ils n'amènent jamais des solutions vraiment réelles et qui sont effectives. C'est toujours, comme on dit, mettre un diapason ou quelque chose sur une blessure. Hein. C'est juste pour dire, bon, t'as la tête coupée, ben on va juste te mettre un pansement, et puis c'est fini. Non, il faut y aller au fond du problème. Le problème est dans le cœur. Hein. C'est pas le problème, c'est pas juste régler la plaie à l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur du problème pour le régler, et c'est profond. Mais eux, refusent de faire ça. Ils veulent juste garder les choses en surface. Et ils veulent pas admettre que leur problème, c'est à la base, ça vient du fait qu'ils ont rejeté la foi. Mm-hmm. Ils n'écoutent pas. Et là. Ouais, non. Non. C'est pour ça. Donc, la seule façon, comme les ulama ont expliqué, la seule façon de combattre l'ignorance, c'est l'enseignement. C'est par l'enseignement. Et donc, étant donné que là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la responsabilité de faire ça. Donc, regardez par exemple, je pensais à ça, puis moi j'ai entendu Cheikh Rabi', Hafizahullah, qui disait la même chose. Vous avez regardé le nombre d'élèves qui sont gradués de l'université islamique à chaque année. Et si chacun de ces élèves qui est gradué faisait son devoir et faisait la da'wa comme il le peut, comme il le doit, c'est certain qu'on aurait vu un grand effet. Les frères du Mali, il y a des frères du Mali qui m'ont contacté par internet, ils m'ont écrit. Je leur ai dit, mais les frères, vous avez des élèves qui sont à Médine, qui viennent étudier à Médine, à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne font pas de da'wa dans leur pays. Ils m'ont dit, mais mon frère, ils ne clarifient pas la da'wa salafia. Hein? Donc c'est ça le problème, exactement. Donc, c'est un encouragement pour les frères en même temps qui sont gradués. Il y en a qui reviennent, qui disent « Ah non, moi, je veux pas. » Ah non, il faut faire ce que tu peux faire. Et c'est une lourde tâche, mais il faut la prendre. Moi, il y a un frère que je connais, un frère américain, on étudiait ensemble à Médine. On était des, comment on dit en français, « roommates ». On était dans la même colocataire, dans la même chambre de l'université. Naam. Eh ben, le frère, subhanallah, c'était un talib ilm, mujtahid, salafi. Il allait toujours rencontrer les shuyukh. Il connaissait Cheikh Rabi' personnellement. Cheikh Rabi' le connaissait, beaucoup d'autres mashaykh à Médine et tout. Et puis, maintenant il est retourné aux États-Unis. Il a arrêté tout. Il a arrêté complètement. Plus de da'wa, plus rien, même pas talab al-ilm, c'est plus rien. Il a laissé sa bibliothèque à des gens, il fait du business, il fait de l'argent, c'est tout. Le cheikh il dit donc, « Ana, laissa gharadi bihada al-kalam an atanakkas ahadan. La wallah, walakin gharadi an ubayyina at-tariqata as-sahiha lid-da'wati wa naf'i an-nas. فإن هذه الأبواب بارك الله فيك فإن هذه الأبواب من أبواب كتاب التوحيد تعالج واقع الناس لماذا لا نشرحها للناس ونبينها للناس ونوضحها ونحفظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها لهم ولو شرحا وجيزا على قدر أفهمهم وينتفعون بها هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل وهذا العلم النافع تعلمون ما للدعاة من الأثر وماذا حصل بسبب دعوتهم من الخير فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف أثر في دعوته من الإصلاح والنفع للمسلمين والذي لا نزال ننتفع به ولله الحمد والشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب كما تعلمون إلى عهد قريب والآن تلاميذه وطلابه ماذا أثر من الخير والشيخ فيصل ابن مبارك في الشمال ماذا أثر من الخير ولا يزال تلاميذه إلى الآن مصابيح هدى يبينون للناس الحق أما أن تجلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بها فهذه ما هي بدعوة إلى الله وإنما هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس ولا تحل مشاكلهم ولا تصلح فسادهم وإنما تحبط أفهامهم وقد تسبب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور وتفرق الكلمة فالواجب علينا أن نتنبه بهذا وأنا لا أقول هذا من أجل الغمط من أحد لا والله ولكني أتأسف من واقع بعض الدعاة الذي تردى إلى هذا المستوى للشيخ في إذا je dis pas cette parole là pour diminuer personne ou pour rabaisser personne mais mon intention c'est d'expliquer la bonne façon de faire la da'wa pour que les gens puissent en profiter le cheikh dit parce que les chapitres qu'on est en train d'étudier parmi les chapitres du livre de Kitab al-Tawhid, ça c'est pour corriger et pour remédier à la réalité que les gens vivent actuellement des problèmes qu'ils ont. Hein? Les gens ils parlent qu'on ne connaît pas le waqi', on connaît pas, on ne comprend pas la réalité du monde actuel. Et ça c'est la réalité du monde actuel, les gens aujourd'hui c'est ça ce qu'ils pratiquent comme shirkiyat, comme forme de bid'a, comme forme de shirk dans les pays musulmans aujourd'hui. Ça c'est ça la réalité. Donc il faut leur clarifier ces choses-là parce que ça règle leurs problèmes, inshallah. Donc le cheikh dit pourquoi on les explique pas ces chapitres-là aux gens? Pourquoi on leur clarifie pas? Pourquoi on leur fait pas mémoriser ces versets et ces hadiths? Pourquoi on leur explique pas leur signification? Et même si c'est juste un petit résumé, une petite explication simple, selon leur niveau de compréhension, pour qu'ils puissent en profiter. Il dit ça, c'est ça la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le ilm, la science qui est bénéfique. Il dit, vous savez l'effet que les du'at ont, et l'effet positif qu'ils ont là où ils sont, et tout le bien qui arrive à cause de leur da'wa. Hein, le cheikh dit, regardez la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab, comment elle a eu un impact bénéfique, et comment elle a réformé et qu'elle a profité aux musulmans. Et on ressent encore aujourd'hui, on peut trouver les effets de cette da'wa-là, et on en profite encore aujourd'hui, alhamdoulilah. Et regardez le cheikh Abdullah Al-Qara'awi, dans le sud de l'Arabie, il parle du sud de l'Arabie Saoudite, regardez jusqu'à une période très proche, comment il a eu un effet positif dans sa da'wah. Et ses élèves aujourd'hui, regardez, ils ont encore des effets. Abdullah Al-Qara'awi, c'est le cheikh du cheikh Ahmed Al-Najmi. Ok? Abdullah Al-Qara'awi, c'est le cheikh du cheikh Ahmed Al-Najmi. Et regardez l'effet donc de cet élève-là qu'il a eu, qui fait le da'wah. Et regardez les élèves du cheikh Ahmed Al-Najmi aujourd'hui, comme cheikh Rabi' Al-Madkhali. Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Zayd al-Madkhali et beaucoup d'autres parmi les shuyukh de Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc tout ça c'est à cause des effets de cette da'wa. Et il parle aussi du Cheikh Faisal ibn Mubarak, et ça c'est un Cheikh que je ne connaissais pas, mais il dit qu'il était dans le nord de l'Arabie, et il dit regardez les effets positifs qu'il a eu. Et jusqu'aujourd'hui, ses élèves, jusqu'à maintenant, sont des lampes de guidance pour les gens, et qui clarifient la vérité pour les gens. Donc ça, c'est sûr, Inch'Allah, je vais faire une recherche sur ce cheikh, Faisal ibn Mubarak. Ensuite, le cheikh dit, donc ça c'est la façon, c'est cette voie-là qu'il faut suivre. L'étude, premièrement, étudier l'islam, faire le talabul ilm, étudier comme il faut la religion avec les ulama jusqu'à ce qu'on ait une bonne base et qu'on soit prêt, et là après on part et on éduque les autres et on leur enseigne la religion. Et là on va voir, Inch'Allah, si on est sincère dans notre da'wah et qu'on est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura à notre da'wah un effet positif, d'accord. Et après le cheikh il dit, mais de parler avec les gens des problèmes qui se passent à l'extérieur, dans d'autres pays ou dans d'autres régions, et tu les occupes avec ces affaires-là, hein. Il dit ça n'a rien à voir avec la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est juste occuper les gens avec des affaires qui ne leur sont même pas utiles, et ça règle aucun problème, et ça ne fait pas de réforme, mais ça fait juste corrompre en réalité les gens, et ça les diminue dans leur compréhension, et ça cause en eux beaucoup de suspicions contre les musulmans et contre les dirigeants des musulmans, et ça divise l'unité des musulmans et leur parole. Donc c'est obligatoire pour les musulmans de réaliser, en particulier pour les du'ats, de réaliser que cette méthode-là, c'est pas la bonne, et qu'il faut revenir à l'exemple des ulama et des prophètes, bien entendu, des prophètes qui ont enseigné l'islam aux êtres humains. Et le cheikh dit, je ne dis pas ça pour mépriser ou pour rabaisser personne, non, par Allah, mais je suis un petit peu désolé ou triste de qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à certains du'at qui descendent à ce niveau bas et qui dévient, disons, de la bonne voie en ce qui concerne la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit, nasalullah, ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفعنا وفيما ينفع الناس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة. Donc à la fin, le cheikh il fait un dua et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de qu'il nous prenne, qu'il prenne par leurs mains et qu'il nous prenne nos mains vers qu'est-ce qui est yani, vers qu'est-ce qui est bon pour les gens et vers le succès et vers la droiture et de suivre la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam vers qu'est-ce qui est bénéfique pour nous et qu'est-ce qui est bénéfique pour les gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 110 dans surat Al Imran, vous êtes la meilleure nation pour, qui est venue pour les hommes, qui est sortie pour les hommes, vous commandez le bien et vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 104 dans surat Al Imran, et qu'il y ait parmi vous une nation ou une umma qui appelle au bien et qui ordonne le bien, le ma'rouf, et qui interdit le mal, qu'est-ce qui est munkar, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et ça c'est la voie des messagers, alayhim salatu wassalam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner à tous le succès, pour nous amener vers qu'est-ce qui est bon pour nous et pour notre ummah, et pour réformer nous-mêmes, et pour réformer la ummah, et aussi de réformer et de corriger et d'améliorer nos dirigeants, ceux qui sont en charge de nous et de nos affaires parmi les dirigeants des musulmans, et de les prendre vers qu'est-ce qui est le meilleur pour la Ummah et vers qu'est-ce qui est bénéfique pour la Ummah. Donc ça c'est le dua du Cheikh Saleh Al-Fawzan pour les musulmans et pour les dirigeants des musulmans et pour qu'ils corrigent la situation de la Ummah. Et donc nous aussi donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la même chose et de récompenser le cheikh Saleh Al-Fawzan pour le bien qu'il fait pour les musulmans en diffusant la science et en donnant le ilm aux gens et de lui donner la bénédiction et la rahma dans cette dunya et dans l'akhirah et de le protéger contre les ennemis de l'islam et contre les ruses des koufars et aussi et des munafiqin et des gens de bid'a et aussi aller de prolonger sa vie et de la remplir de baraka et lui et ainsi que tous les ulama qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc alhamdulillah rabbil alamin, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera inchallah le chapitre 14 demain, on a terminé le chapitre 13 et demain c'est le chapitre 14 inchallah, le titre c'est babun min ash-shirk an yastaghith aw na'am an yastaghith bi ghayrillah aw yad'u ghayrahu, c'est-à-dire parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de chercher appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc demain, c'est ça, inshallah, le sujet de notre dars. On va donc s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.